بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كاف ها يا عين صاد. Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur à l'égard de son serviteur Zacharia. إذ نادى ربه نداء خفيا. Lorsque celui-ci invoqua son Seigneur d'une voix basse. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Il dit, Mon Seigneur, mes os ont faibli et mes cheveux ont éclaté de blancheur. Je ne saurais être malheureux en t'implorant. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Je redoute la conduite de mes proches après ma mort, et ma femme est stérile. Accorde-moi donc un descendant. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Qui hérite de moi et de la famille de Yaqub, fais de lui un homme convenable. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا, dit le Seigneur, nous t'annonçons l'heureuse naissance d'un garçon du nom de يحيى, qui est le premier à s'appeler ainsi. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زكريا dit, Seigneur, comment pourrais-je avoir un garçon alors que mon épouse est stérile et que j'ai atteint l'ultime phase de vieillesse? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Ainsi ton Seigneur dit, c'est pour moi une chose aisée. Ne t'ai-je pas créé auparavant à partir du néant? قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. زكريا répondit, Seigneur, accorde-moi un signe. Le Seigneur dit, ton signe sera de ne parler à personne durant trois jours entiers. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Lorsqu'il sortit du sanctuaire vers son peuple, il leur suggéra, exaltez le nom d'Allah matin et soir. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Et le Seigneur ordonna, Ya Yahya, tiens fermement le livre. C'est ainsi que nous lui avons donné la sagesse dès son enfance. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Nous lui avons aussi accordé notre tendresse et l'avons rendu vertueux. Il était un homme pieux. Bienveillant envers son père et sa mère, il n'était ni violent ni désobéissant. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Que le salut soit sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il sera ressuscité vivant. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Mentionne dans le livre le récit de Mariam lorsqu'elle s'isola de sa famille dans un endroit situé à l'est. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Elle se protégea d'eux par un rideau. Nous lui envoyâmes alors un souffle de notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un être humain bien accompli. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Elle dit qu'Ar-Rahman le clément me protège de toi si tu es un homme de piété. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. L'envoyé répondit: Je ne suis que le messager de ton Seigneur qui veut t'accorder un garçon de vertu. Elle s'étonna. Comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis point une prostituée? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. L'envoyé répondit: Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit: C'est aisé pour moi. Nous en ferons un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. Il en fut ainsi décidé. Elle le conçut, puis s'isola dans un lieu retiré. Les douleurs de l'accouchement l'amenèrent à s'adosser au tronc d'un palmier. Elle dit alors: Que ne fussé-je morte bien avant ceci et complètement oubliée. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Elle fut appelée d'en dessous d'elle: Ne sois pas affligée. Ton Seigneur a fait jaillir à tes pieds une source d'eau. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Secoue le tronc du palmier et des dattes fraîches tomberont sur toi. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. Mange et bois, aie un regard heureux. Si jamais tu rencontres quelqu'un, dis-lui: J'ai prononcé un vœu de silence. Je ne parlerai donc à personne aujourd'hui. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Elle porta l'enfant vers ses proches qui s'écrièrent: يا مريم, tu as commis une chose abominable. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un mauvais homme et ta mère n'était point une prostituée. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Maryam fit un signe vers l'enfant. Comment pourrions-nous parler à un nourrisson encore au berceau ? S'étonnèrent-ils. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. L'enfant répondit, je suis le serviteur d'Allah qui m'a donné les Écritures et a fait de moi un prophète. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Et un homme béni, où que je me trouve, il m'a aussi recommandé la prière et la charité tant que je resterai en vie. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Il m'a également recommandé d'être bienveillant à l'égard de ma mère. Mon maître n'a point fait de moi un violent ni un malheureux. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Le salut m'accompagne le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité vivant. Il s'agit de Isa, Jésus, fils de Maryam, parole de vérité que les factions contestent. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sachez qu'il est inconcevable qu'Allah se donne un fils, gloire à lui. Lorsqu'il décrète une chose, il lui ordonne. Soit, et la chose se fait. En vérité, Allah est mon Seigneur ainsi que le vôtre, adorez-le, c'est là le chemin droit. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. À ce propos, les factions se sont divisées. Malheur donc aux mécréants à l'avènement d'un jour terrible. أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils seront ramenés à nous. Ce jour-là, les injustes seront dans un égarement manifeste. Mets-les en garde contre le jour de la lamentation. Lorsque la décision sera arrêtée alors qu'ils seront inconscients et encore mécréants. Inna nahnu narithu l'arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. En vérité, c'est nous qui hériterons de la terre et de tous ceux qui se trouvent sur sa surface. À nous, ils seront ramenés. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Fais mention d'Ibrahim dans le livre. C'était un croyant sincère et un prophète. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. lorsqu'il dit à son père « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend rien, ne voit rien et ne te sert de rien ?» Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ô mon père, j'ai reçu une science qui ne t'est pas parvenue. Je te demande donc de me suivre pour que je te mette sur la bonne voie. Ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Ô mon père, n'adore pas Satan, car Satan est rebelle envers Ar-Rahman, le clément. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Ô mon père, je crains que le châtiment d'Ar-Rahman, le clément, ne t'atteigne et que tu ne deviennes l'allié de Satan. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Son père répondit, ô Ibrahim, dédaignes-tu mes divinités? Si tu ne cesses pas ce genre de prosélytisme, je te ferai bannir. Je te demande de me quitter pour longtemps. Ibrahim dit à son père, que le salut soit sur toi. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur, car il est bienveillant à mon égard. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Je m'éloignerai de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. J'invoquerai Allah en espérant ne pas être malheureux dans ma supplique au Seigneur. Lorsqu'Ibrahim s'éloigna des siens et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui avons donné Ishaq et Ya'qub et avons fait de chacun d'eux un prophète. Nous leur accordâmes notre grâce et un grand renom chez les générations ultérieures. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Mentionne également Moussa dans le livre. Il était un croyant dévoué, un messager et un prophète. وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا. Nous l'avons interpellé du côté droit du mont Tour et avons fait de lui un proche confident. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Par notre grâce, nous l'avons secondé par son frère Haroun, que nous avons fait prophète. Mentionne aussi Ismaïl dans le livre. Il était respectueux de ses engagements. Il était également un messager et un prophète. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Il ordonnait aux siens d'accomplir la prière et de donner l'aumône. Il était bien agréé par son Seigneur. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Mentionne aussi dans le livre Idris, qui était un croyant sincère et un prophète. Nous l'avons promu à un rang très élevé. وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ce sont là les prophètes que nous avons comblés de nos bienfaits. Ils étaient issus de la lignée d'Adam et de ceux que nous avons sauvés avec Nouh, des descendants d'Ibrahim et d'Israël que nous avons guidés et élus. Lorsqu'on leur faisait entendre les versets d'Ar-Rahman, le Clément, ils tombaient en prosternation et en pleurs. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. D'autres générations leur ont succédé, qui ont négligé le culte de la prière et succombé à leurs penchants passionnels. Ceux-là seront dans l'égarement total. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Sauf ceux qui se repentent, qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là seront admis dans le paradis où ils ne seront en rien lésés. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. Ce sont les jardins d'Éden, promis par Ar-Rahman le Clément à ses serviteurs. Sa promesse sera sûrement accomplie. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Là, ils n'entendront point de propos futiles, seul le mot « paix » résonnera. Là, ils recevront leur nourriture matin et soir. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. Tel est le jardin du paradis que nous accordons aux pieux parmi nos serviteurs. Rappelle ce que disent les anges. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, qui seul commande notre sort passé, présent et futur. Avec ton Seigneur, rien ne sera oublié. Il est le maître des cieux, de la terre et de tout ce qui est entre les deux. Adore-le et sois constant dans l'exercice de son culte. Connais-tu quelqu'un d'autre qui porte dignement son nom? <t'en> l'homme se permet de dire « Après ma mort, comment pourrait-on me sortir vivant de terre ?» أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا L'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé auparavant à partir de rien فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Je jure par ton Seigneur que nous ramènerons à nous les humains et les démons, puis ils seront tous placés, prostrés, autour de la géhenne. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا Nous prendrons de chaque groupe ceux qui étaient les plus rebelles à Ar-Rahman le Clément. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Nous connaissons mieux que quiconque ceux qui sont avoués à l'enfer. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا Certes, il n'est pas un seul d'entre vous qui ne verra la géhenne de près. Ainsi en a décidé ton Seigneur, par un décret irrévocable. Puis, nous sauverons ceux qui étaient pieux, et nous laisserons les injustes accroupis dedans. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا Lorsqu'on récite nos versets clairs devant les mécréants, ils disent aux fidèles « Quel est, de votre clan ou du nôtre, celui qui occupe le meilleur rang et qui jouit de la meilleure compagnie ?» وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا Ces mécréants ignorent combien de générations nous avons décimées avant eux. Ils vivaient dans un environnement plus luxueux et plus beau à voir. قُلْ مَنْ كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا Dis-leur qu'Ar-Rahman le Clément peut donner un répit temporaire à ceux qui vivent dans l'égarement. Mais le jour où ceux-ci verront ce qui leur est promis, soit le châtiment, soit l'heure du jugement, ils sauront qui est dans la position la plus difficile avec la défense la plus faible. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Allah renforce la rectitude de ceux qui suivent la bonne voie. Les bonnes œuvres demeurent auprès d'Allah avec une meilleure récompense et un meilleur profit. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا As-tu vu celui qui nie la véracité de nos signes et qui prétend obtenir encore des biens et des enfants أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. A-t-il eu le pouvoir de connaître le mystère d'Allah ? Ou bien a-t-il obtenu une promesse d'Ar-Rahman, le clément ? Kalla, sanaktubu ma yakoulu wa namuddu lahu min al-azabi madda. Oh que non ! Nous allons consigner ces paroles mensongères et nous prolongerons bien la durée de son châtiment. ونرثه ما يقول وياتينا فردا. C'est à nous l'héritage de ce dont il se vante, et il se présentera à nous tout seul. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Ces mécréants ont choisi en dehors d'Allah des divinités pour leur servir de puissance protectrice. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Oh que non, ces idoles vont renier les cultes des mécréants et se retourner contre eux. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé les démons pour bien tourmenter ces mécréants ? Ne te hâte pas de voir leur châtiment, nous leur ferons bien le compte. Le jour où nous ramènerons les pieux comme hôtes du clément, ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Et pousseront les pervers vers la Géhenne comme un troupeau assoiffé. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Les mécréants ne bénéficieront d'aucune intercession, sauf ceux qui auront une promesse du Clément. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Il y a ceux qui ont dit, Ar-Rahman, le clément, s'est donné un fils. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Vous avancez là un sacrilège abominable. يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Peu s'en faut que les cieux ne s'en fendent, que la terre ne s'en déchire, et que les montagnes ne s'en affaissent, écroulées. Quoi ? Attribuer un fils au clément ? Il est inconcevable que le clément se donne un fils. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne feront que se présenter devant le clément comme d'humbles serviteurs. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Il en a fait l'inventaire en les comptant un à un. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Et chacun d'eux, tout seul, se présentera à lui le jour de la résurrection. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Le clément traitera avec aménité les croyants qui accomplissent les bonnes œuvres. C'est que nous avons facilité la compréhension du Coran en te révélant dans ta langue afin que tu annonces de bonnes nouvelles aux pieux et que tu avertisses les négateurs obstinés. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Combien de générations de négateurs Avons-nous décimé avant eux? Peux-tu en déceler âmes qui vivent ou en entendre le moindre bruit?